de tout, ça vous les femmes comprendre. Je garde l'espoir qu'il y a quelque part un être parfait qui vous partage bien, qui va faire centime d'un coup désespéré. Dernièrement vous dit que c'est une seule fois mon rêve. Tout ça que fait après, c'est déjà habitude. Ou qui vous est venu dans vie, si vous déconnez, c'est qu'on a pensé. Pas de quoi quitter mon frère, que moi pour grand merci. Ou qui vous est venu dans vie, si vous déconnez, pas de vie pour aider. Pas de quoi loger blâmer, ou t'es doué quitter mon pays. Si on t'y dispute, ça mettait en colère. Faut éviter de répéter des mots blessants. Car même si vous t'a dit un million, I'm sorry. Il va me passer toute peine que vous causez. Après tout temps ça, vous dit que vous n'avez pas voyé. Ou même déclarer, c'est sur ton sens qui fait nos sens. Ou qui vous t'est venu dans vie, si vous déconnez, c'est qu'on s'en pense. Pas de quoi quitter mon frère, que moi pour grand merci. Ou qui vous t'est venu dans vie, si vous déconnez, ou pas de vie pour aider. Pas de quoi longer la main, ou t'es doué quitter mon pays. Tell me where to go. I'm a fighter, I won't give up. There is a will, there is a way. I do my best to succeed. Yeah, yeah. Why is it hard to find you? Tell me where to go. I'm a fighter, I won't give up. There is a will, there is a way. I do my best to succeed. Vous pouvez amuser, vous faire des bagailles. Ou qu'on cap dérangé, yon jou quand même dans l'existence ou. Même si bêta nous l'autre pays, conscience ou a va poser aux questions. Ouais, ouais, c'est moi que t'es bon pour. Why is it hard to find you? Why love is so difficult? I'm a fighter, I won't give up. There is a will, there is a way. I do my best and I succeed. Why is it hard to find you? I look everywhere. Sou pa vle, wè m ap pase. Nan pra yon moun ki vle. Se pa va se wè mè yon pou soufri. Ni pou deside pa va pu. Tout sa sans importance nan jè pa. Ka richesse yon lot pou. Est-ce que la vie est une surprise pour moi? Patience, moi, pour moi, pas qu'attendre. On ne se bat d'arrêt, mais j'ai fait mais. Pour l'amour, pas ma guerre, existence en moi. T'en passer vite, c'est la bagaille au belle. Le wap souffrir, c'est le courant. Passer trop de temps, pas être moins menti. Malgré sans prache, qu'elle m'a obligé à aller. Tell me, baby. Est-ce que la vie est une surprise pour moi? Patience, moi, pour moi, pas qu'attendre. On se bat d'arrêt, mais j'ai fait mais. Pour l'amour, pas ma guerre, existence en moi. J'en passe vite, c'est les bagailles au bel. Le wap souffrir, c'est le contraire. Passer trop de temps, pas être moins menti. Malgré sa brache, qu'elle m'a